不过是学是非真是悲， 不专论的牛八小子，但是去爱慕会的当着还在人们不腻，这番却被这个人comment faire pour la retenir? Notre union est fusionnelle, mais cette fois uniquement pour le pire. Je ne suis pas jaloux du tout. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux du tout. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Mais pourquoi?Après son départ, je pars rendre une visite au pas du comptoir, poser un coude sur le bar. Je me mets à parler de tout de rien, je préfère ranger mon chagrin. Je sais qu'une bonne cuite ça fait du bien, seulement pour un temps certain. Voilà déjà 4 heures du matin, dans mes messages toujours rien. Je rentre en pleurs le cœur sur la main. Je ne suis pas jaloux du tout. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux du tout. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Tout seul enfermé dans cet appartement, je me dis que c'est rien, elle reviendra sûrementEn attendant, je trouve pas mon sommeil. Je fais des tours sur moi-même, je fais de la paix. Pourquoi, pourquoi nous font-elles autant souffrir dans un laps de temps si court? Je sais pourquoi, c'est pour la dernière fois que je les fais pleurer autant pour moi. Mais pourquoi, pourquoi n'arrivons-nous pas à les garder près de nos cœurs, de nos cœurs? Mais pourquoi, pourquoi? Je n'arrive pas à la garder près de moi. Je ne suis pas jaloux du tout. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux du tout. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Mais pourquoi? J'ai fait pour mériter ça, dites-le moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, dites-le moi. Pas besoin de me dire ce que je dois faire, je la connais, je sais ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime faire. Je sais bien qu'il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Mais tout de même, c'est un grand mystère.